tort, je sais ainsi que mon âme n'est plus disposée à souffrir. Évidemment, il n'est plus question de sentiments. Maintenant, je n'ai plus envie de faire semblant. Détresse à